Avant de s'écouter Pierrot Amand qui nous parle de Génération Climat, on se fait un petit tour à la ZAD d'Arlon, zone à défendre d'Arlon, vous savez, dans le sud de la Belgique, là. Mais j'aurais bien aimé aller faire un micro ouvert. Mais je vais y aller, il faut tenir bon. En tout cas, aux dernières nouvelles, il semblerait que. En gros, c'est un gros business qui doit se faire. Est-ce qu'il va se faire? Est-ce qu'il va pas se faire? Est-ce qu'il va détruire la nature? Est-ce qu'il va pas la détruire? Qui va gagner? Gros point d'interrogation, combat est mené, combat est parti là. On s'écoute la petite vidéo de 6 minutes. Que ça cesse, hein, qu'on arrête d'endommager la nature pour des sous. C'est Donc le but c'est d'occuper le terrain pour dans un premier temps symboliquement empêcher la construction d'un zoning industriel sur le terrain de la Sablière qui abrite beaucoup d'espèces menacées ou des espèces rares et dont on ne voit pas l'intérêt de la détruire juste pour accueillir des entreprises. La dernière année, il y a 4 à 5 projets immobiliers de grande envergure sur les environs d'Arlon. Alors pourquoi? La première raison, c'est effectivement parce qu'on est avec la frontière du Luxembourg, donc les gens aiment bien venir travailler ici. Donc ce sont des gens qui d'abord sont intéressés, non pas par la terre et cette zone magnifique, mais par l'argent qu'ils vont pouvoir se mettre dans les poches. La deuxième, effectivement, donc il faut trouver de l'habitat pour cela. Alors, quand on discute effectivement avec les responsables, on sait qu'il y a la démographie qui augmente, donc il va falloir plus d'habitations, c'est clair. Mais pourquoi ne pas le faire sur des zones appropriées? Et alors, le troisième élément, c'est qu'on vient en nous disant « Ah oui, mais ce sont des quartiers écologiques !» Mais en tout cas, il n'y a pas de place pour la biodiversité. Et donc, pour moi, ce n'est pas une réponse écologique. Il faut d'abord promouvoir la vie. Mais voilà, mais on se rend compte de ça, et ça veut dire aussi ben, les insectes, ben, c'est toute la chaîne alimentaire. Les insectes, le type d'oiseaux, il y a des types d'oiseaux ici qui nichent. Il y a même deux espèces de papillons qui sont en voie de disparition, que l'on retrouve ici chaque année, qui vont disparaître aussi. Alors ne parlons pas des abeilles, etc. Je pense que la question écologiste, elle pourra se résorber comme ça, que si les gens, en fait, localement, chaque fois qu'il y a des projets de bétonisation ou des projets de destruction de tout ce qui reste un petit peu comme écrin naturel ou post-naturel, si les gens directement peuvent essayer d'aller sur des luttes de territoire qui sont proches d'eux, sur lesquelles ils ont des affects, et qu'on finit par être un maillage sur le territoire de gens qui... des gens qui justement bloquent les projets écocides, bah à un moment ça peut donner un espèce de syndicat informel du vivant, enfin un truc comme ça. J'ai l'impression que pour l'instant c'est le seul moyen qu'on a. D'ailleurs, quand on regarde dans les luttes écologistes de ces dernières années, les seules luttes qui ont vraiment empêché l'avancée du désastre, c'était des luttes d'occupation. Il n'y a pas de barrage à Sivens, il n'y a pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et il n'y aura pas de zoning sur la Sablière. Ça pourrait créer du lien aussi. Avec les gens de la région, mais aussi les militants écologiques belges en général. Et oui, c'est très important aussi que les gens se regroupent pour reprendre le pouvoir. En fait, on a envie de faire ça indépendamment de toute forme d'idéologie politique. Parce qu'on pense que dans les luttes de territoire et dans les luttes d'occupation, il y a quelque chose qui se fait... Au niveau des personnes, enfin, il y a de l'affect qui se crée, il y a de la compréhension qui se crée. J'aurais plus envie de partir en fait, de ces affects-là que de partir de l'idée générale de comment est-ce qu'on verrait la société par après. Quoi. Il y a toujours moyen de s'entendre. C'est intéressant parce que les luttes de territoire, elles s'inscrivent aussi à un moment de désespoir démocratique où des gens qui croyaient encore il n'y a pas longtemps que oui, on allait les écouter, que quand même ils étaient le peuple, ou que quand même en tant qu'électeurs, citoyens, ils avaient leur mot à dire. Mais ils arrivent à un stade où ils font signer une pétition ça marche pas, ils font des interpellations, ça marche pas, on les envoie chier, on se fout de leur gueule, on les groupuscularise. Et à un moment, tu vas être... C'est à chaque fois comme ça, hein. Pour toutes les luttes de territoire, c'est comme ça que ça se passe. Donc à un moment, il faut passer au rapport de force. Qu'est-ce que c'est que la violence? Je crois que pour tous les riverains de Chopac ici, qui ont vu un écoquartier se construire sans qu'on leur demande leur avis et qui vont voir la sablière bétonnée, c'est d'une extrême violence aussi. Si les politiciens que nous payons, finalement, avec nos impôts, ne nous représentent pas correctement, il va falloir effectivement se rallier aux jeunes qui sont prêts à venir donner de leur temps, de leur courage pour mettre leur tente, venir apporter leur eau sur leur dos, pour venir nous dire « Eh, oh, c'est ici que la vie se passe, c'est là maintenant notre avenir. » Voilà. Et donc moi, oui, je ne suis pas du genre à lever mon poing, mais là, je dirais stop. Quand il faut. Oui. Quand il faut, et toutes les générations devraient effectivement être présentes pour... C'est vrai, hein, pour faire que les changements se fassent et qu'on arrête de faire du gâchis là où c'est encore pur, c'est encore vert, c'est encore plein de vie. Je me retrouve alors avec Pierrot Armand, c'est comme ça, hein ? Amand. Ah oui, en plus, avec un D, Pierrot Armand. Tu vas un petit peu nous expliquer qui tu es. Enfin, moi, j'avais envie de te rencontrer parce que, voilà, on te voit apparaître comme ça. Micro bloc, ouvert. Génération climat, un jeune, comme ça, on ne sait pas trop d'où tu viens, comment. Mais j'aimais bien aussi assez ta manière de voir... entre guillemets, hein, cette génération climat, c'est-à-dire que tu es très critique et tu as aussi comment dire, un point de vue politique de la chose, quoi, hein. C'est pas genre... parce que je le dis, le micro ouvert, il était très mal à l'aise de rencontrer les jeunes qui font le climat, j'allais dire. Qui font les manifs contre, pour le climat. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, je suis contente de te rencontrer parce que du coup, on va un peu aussi mettre la lumière sur c'est quoi ce climat, cette génération, cette jeunesse, comment les choses sont mises. Alors, on va commencer par une petite présentation de toi-même, Pierrot. Ouais, donc moi, c'est Pierrot, j'ai 19 ans. J'étudie à l'UCL en première année et j'ai un peu fait le tour des gros groupes écologistes, c'est-à-dire je suis passé par le parti écolo, je suis aussi passé par Greenpeace. Quand tu dis que t'es passé, tu veux dire quoi, une semaine? Parce qu'à 19 ans, explique un peu, là ça fait comme si t'avais une carrière derrière. Non, en fait donc, je me suis présenté aux élections communales et provinciales avec écolo en 2018. Là j'ai quitté le parti, enfin pas officiellement, mais voilà, c'est en route quoi. J'ai aussi monté un groupe local, en fait, Greenpeace, dans le Brabant Wallon, il y a 2 ans, un truc comme ça. Et puis, en fait, j'ai découvert la collapsologie. Donc, c'est le mouvement qui étudie l'effondrement de la civilisation industrielle. Et puis, j'ai découvert l'écologie radicale via plusieurs voies, notamment le site Le Partage. Donc, il y a un site de critique socio-écologique radicale. Et puis j'ai fondé Génération Climat dans le mouvement des grèves pour le climat qui a démarré en Belgique en janvier. En janvier 2019. 2019, ouais. Mmh. Et donc voilà, là me voilà un peu perdu dans ce monde bizarre. Je me retrouve plus dans le mouvement climat du tout. J'ai une critique assez forte de ce mouvement. Après, je pense que la situation fait qu'on doit essayer de faire avec les forces en présence aussi. Mais pas avec n'importe qui non plus. Donc voilà. Ben oui, mais commençons à quoi ? Quelle idée alors ? T'es quoi ? C'est quand t'étais plus jeune, alors tu te dis écolo, c'est vert, ça protège la nature, j'aime bien. Quoi, t'as quel âge là, à ce moment-là ? Parce que tu me dis, je me suis présenté pour les élections. Moi, je savais pas qu'on pouvait se présenter si jeune. Il y a combien d'années de ça ? C'était en 2018, donc j'avais 18 ans. Ah oui, il y a pas longtemps, quoi. Non, c'était l'année passée. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi depuis cet événement, depuis cette expérience, qui était quand même super enrichissante, hein, je ne vais pas cracher dessus, c'était hyper intéressant parce que... De quoi, de faire partie d'un parti ? Non, plus la campagne électorale où on va rencontrer des gens, on essaie de, pas de vendre sa soupe, mais justement de convaincre... De vendre sa soupe. Oui, dans le jargon politique, oui, mais moi je faisais vraiment ça dans une démarche hyper sincère, enfin je voulais vraiment convaincre les gens qu'il fallait voter pour l'écologie, machin... Et puis maintenant, bon, je suis revenu de ça, hein, je crois plus du tout dans le vote, dans l'élection, dans le parlementarisme, je crois plus dans l'État non plus. Donc, t'as fait beaucoup de lectures là, t'as fait beaucoup de recherches. Et essaye d'expliquer alors qu'est-ce qui s'est passé pour ne plus croire moi au parti et de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête alors. Si tu peux en résumé passer par les grosses étapes pour qu'on comprenne un peu ta logique. Mm-hmm. Bah, y a plusieurs étapes, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'y crois plus du tout. Mais crois plus à quoi par exemple? Au Père Noël, à Saint-Nicolas ? Aux institutions, à l'État, aux institutions économiques aussi, au fait que c'est des entreprises qui vont changer leur manière de faire, au fait que c'est des nouvelles politiques qui vont changer des choses. J'y crois plus du tout. Moi, je pense qu'il faut changer complètement d'institution, il faut changer complètement de société, en fait. C'est venu notamment par le fait que je suis hyper sensible à l'urgence de la situation écologique et sociale, de manière générale. Et puis le fait que le temps passe et rien ne change et tout s'accélère finalement. Qu'est-ce qui s'accélère ? La situation écologique s'aggrave de plus en plus. On va vraiment vers le gouffre, quoi. Les espèces s'effondrent littéralement hyper rapidement. Les inégalités se creusent à fond. Enfin, on est vraiment dans une situation hyper dramatique. Donc il faut agir le plus rapidement possible. Le fait que les États ne faisaient rien aussi peu m'a beaucoup bousculé parce que je me suis dit mais en fait si c'est pas eux qui font les choses, qui va le faire ? Et du coup, là, j'ai commencé à lire blindé, des livres, des articles, des interviews, j'ai regardé des conférences aussi, j'ai été à des conférences. Et là, je me suis forgé une opinion beaucoup plus radicale. Et je me suis dit, en fait, la transition écologique vendue par le Parti Écolo et par tous les États, tous les gouvernements, toutes les entreprises de manière générale, c'est un gros mythe, quoi. Il n'y a pas de transition. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est genre 2% de la consommation globale d'énergie. Il n'y a rien qui change, quoi. C'est un mythe, c'est juste un écran de fumée pour faire oublier qu'il y a une situation hyper grave derrière. Pour continuer comme avant, en fait. C'est ça, c'est une espèce de statu quo qui se greenwash, quoi. C'est le greenwashing, en fait. Mais ce serait intéressant de dire qu'est-ce qui se cache derrière, en fait. Ouais. C'est ça aussi que peut-être la majorité n'a pas envie trop de se poser de questions. C'est ça aussi le problème, quoi. Parce que je pense que, enfin, je ne suis pas sûre, mais si on savait peut-être comment fonctionne la mécanique derrière... Alors peut-être on aura envie de changer plus les choses, je sais pas. Ouais, ben donc en fait c'est une illusion pour moi, la transition et toutes ces expressions un peu à la mort moelle-neuve, genre développement durable et tout, c'est des mythes parce que on est dans un système qui s'appelle le capitalisme, système économique, qui fonctionne par la croissance, qui est fondamentalement productiviste donc, et la croissance, on le sait depuis au moins 1972, la sortie du rapport La limite à la croissance, qu'une croissance sans fin sur une planète finie, c'est pas tenable. Et du coup, si on continue comme ça, ben, notre société va s'effondrer, en fait. Et du coup, depuis le temps, on sait que la croissance n'est pas durable, ne peut pas être durable, mais pourtant, on essaie de faire croire aux gens qu'on peut continuer dans un système ultra-productiviste et le rendre un peu plus vert, plus soutenable. Et il n'y a personne dans les grandes mouvances écologistes traditionnelles, que ce soit dans les institutions, dans les partis ou bien dans les ONG, qui disent, bah, tiens, il faut arrêter la croissance, il faut entrer en décroissance. Parce que là, on est allé tellement loin qu'on a dépassé la capacité de charge de la planète, en fait. Donc il faut complètement décroître. Et personne ne dit que pour faire ça, il faut sortir du capitalisme, il faut sortir de la société industrielle, il faut démanteler le système, en fait, et construire d'autres sociétés beaucoup plus soutenables qui n'ont rien à voir avec le monde actuel, quoi. Donc dans tes lectures, dans tes renseignements par rapport aux partis existants en Belgique, puisqu'on parle de la Belgique, on est en Belgique, il n'y a personne qui parle de décroissance et de changer de système. Même pas un petit peu. Si, il y a des gens individuellement qui le disent à demi-mot, mais ils ne vont jamais dire tel parti prône la décroissance. Il n'y a pas de parti qui prône la décroissance aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi dans une logique électoraliste. Enfin, si on veut se faire élire et on va arriver au pouvoir, il ne faut pas dire aux gens qu'on va... On va démanteler la société actuelle et on va réduire leur confort de vie, quoi. Oui, voilà. Ils auront moins de voitures, moins à manger, moins à acheter n'importe quoi. C'est ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus un discours consensuel en mode il y aura peut-être des voitures électriques, vous inquiétez pas, il y aura des trottinettes électriques, il y aura des vélos partagés, il y aura tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre en confort de vie, la nourriture sera la même, sera juste bio et locale. Mm. Tout ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, il faut changer de modèle si on veut arriver à ça. Mais tu crois pas qu'on prend les gens pour des imbéciles aussi ? Un peu ? Beaucoup même, je crois. Est-ce que tu crois pas ? Parce que souvent, j'entends, oui, mais les gens, ils sont pas prêts à... Mais attends, mais il suffirait, je dis ça en rigolant, il suffirait hein, de mettre une politique autre en avant. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Tu vois, elle est souvent, on dit « Oui, mais les gens... » Moi, je crois que les gens, ils ne sont pas si idiots que ça. Et je ne pense pas que les gens soient idiots du tout, mais on les prend pour des cons quand on leur dit « Ouais, on va changer la vie pour vous, tout va aller mieux, etc. » Enfin, les gens ne sont pas dupes hein, aujourd'hui. On voit les gilets jaunes qui sont dans la rue massivement, ils ont compris que ce système était pourri et qu'il fallait tout changer, quoi. Donc quand on dit aux gens qu'on va réduire les inégalités, qu'on va sauver la planète avec 2-3 ajustements fiscaux ou des trucs comme ça, bah, c'est n'importe quoi. C'est pas une assemblée citoyenne qui va changer la démocratie, c'est pas une taxe sur les carburants qui va sauver la planète. Fin. Et ça, les gens le comprennent. Mais je pense que le système aujourd'hui ne tient que par une répression soutenue des mouvements sociaux. Et qu'il suffirait juste que de plus en plus de gens sortent dans la rue et s'attaquent aux vrais problèmes et aux vraies cibles pour en fait faire tomber tout système, quoi. Attends, parce que là, on est déjà dans la solution. Tiens, mais comment est-ce possible de renverser ce système ? Pour bien comprendre un peu ton histoire, donc toi, t'en as marre des partis, tu vois que c'est du baratin, les institutions, l'État, etc., tes lectures, tu deviens plus pointu, on va dire ça comme ça, plus profond aussi, hein, t'arrêtes d'être dans la surface. Et tu crées Génération Climat, alors, du coup. Mmh. C'est quoi ça ? Ça devient d'où ? Comment ? Si tu peux un peu raconter. Alors, en fait, quand les grèves pour le climat ont commencé en Belgique, c'était en janvier 2019, donc vers mi-janvier, j'étais hyper enthousiaste, en fait, au début, parce que je me disais, mais tiens, des milliers de jeunes qui sont dans la rue, c'est un truc de fou, c'est trop bien et tout. Donc, j'ai commencé à marcher avec eux tous les jeudis. Pendant 13 semaines, je crois que j'ai fait ça. Et pendant que je marchais avec ce mouvement, j'ai rencontré des gens avec qui on s'est dit bah, « Tiens, on va créer un collectif ou un mouvement qui va essayer de porter un discours plus radical, plus politique que le mouvement Youth for Climate, donc qui est à l'initiative des grèves pour le climat. » Parce que nous, on trouvait qu'il y avait un discours beaucoup trop lisse, beaucoup trop consensuel, où il disait juste bah, « Il faut que les gouvernements agissent, c'est pas à nous de dire ce qu'ils doivent faire, c'est aux experts, et donc nous, on marche pour mettre la pression, et c'est tout. » C'est en lien avec Greta Thunberg ou pas, ce You for Climate? Ben, Greta Thunberg a lancé le mouvement des grèves pour le climat au niveau mondial en s'asseyant devant le Parlement suédois toute seule. Et puis ça a fait tache d'huile un peu partout. Il y a le mouvement Youth for Climate qui est devenu international du coup, qui gère toutes ces grèves et qui gère les Global Strike, For the Future machin. Et donc dans cette optique-là, ben, moi j'ai créé Génération Climat avec quelques copains. Pour porter un discours plus radical. Donc, nos quatre valeurs fondamentales, c'était la décroissance, la justice sociale, l'anticapitalisme et la démocratie directe. Donc ça, pour nous, c'est les quatre conditions pour créer une société vraiment durable, équitable, égalitaire et démocratique. Et le mouvement existe toujours. Hein. Et donc, notre but, c'était de radicaliser le mouvement. Et comment faire ça ? Ben justement, en diffusant ces idées par les médias ou par des tracts ou par le dialogue avec les jeunes qui marchent tous les jeudis. C'est surtout le dialogue avec les jeunes, parce que ouais. Cette ces jeunes, bon, c'est ça, je le répète, hein, je l'ai dit au début, moi j'étais super mal à l'aise de mettre mon micro parce que ces jeunes, enfin quoi, comment, oui, quand tu dis il faut, on avait envie de radicaliser les choses, très bien, mais c'est quand même, il faudrait faire des, comment on dit ça, tu sais, des assemblées où on réexplique un peu l'histoire, j'en sais rien, on parle d'économie, de capitalisme, non ? Mais en fait, oui, c'était l'idée au début de faire des assemblées et tout. Et notre stratégie du début, c'était de rentrer en contact avec Youth for Climate pour les convaincre de faire ce genre de choses. Ensemble alors ? Ouais, c'était un peu ça l'idée au début. Puis on voyait que ça marchait pas trop parce que c'était un peu dans leur délire de faire juste des marches et nous, on était un peu que dalle pour eux. Mais comment t'es sûr de ça ? Vous avez essayé plusieurs fois le contact, vous avez demandé à vous rencontrer. Enfin, toi, moi, j'aime bien. Il ne faut pas simplement faire une petite tentative, il faut y aller franco, quoi. Mais c'est ça qu'on a fait. On a essayé de rentrer en contact plein de fois avec eux. On les a appelés. Puis je connaissais quelques personnes du mouvement Youth for Climate qui sont parmi les leaders aujourd'hui. Et on se connaît. Quand on se voit, c'est assez courtois. On n'est pas en conflit. Mais du coup, moi, je lui disais tout le temps, bah, tiens, pourquoi on ne ferait pas des choses ensemble ? Pourquoi on ne ferait pas d'autres choses que les marches aussi ? Parce que voilà, nous, on trouve qu'il faut aller dans une stratégie d'escalade, quoi. Il ne faut pas juste rester à marcher tous les jeudis. Là, on voit bien que ça s'essouffle. Hein. Il y a plus de 600 personnes qui ont marché jeudi passé, hier, dans les rues de Bruxelles. Enfin, je pense hier, que... maintenant, là, tu parles. Ouais. Ah, ok. Ça continue, c'est... Je suis même pas au courant, tu vois. Ouais, ça continue, mais c'est une fois par mois, maintenant. Ok. Parce qu'ils pensent qu'une fois par mois, bah, ça suffit, il y aura plus de gens si c'est qu'une fois par mois. Mais non. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, ils ont capté qu'il n'y a rien qui bougeait juste avec les marches. Et du coup, il y a des aspirations à faire d'autres choses plus offensives, quoi. Donc nous, on voulait lancer des actions de désobéissance civile, des blocages, voire plus. Mais ça n'a pas été possible parce qu'on n'avait pas les forces disponibles. Puis on était vraiment minoritaire dans le mouvement des grèves, en fait, pour le climat. Et donc, on n'a pas réussi à mettre ça en place jusqu'ici. Donc, moi, j'aime bien, excuse, hein, je prends le micro comme ça, c'est pour que les choses soient claires. Tu vois, je me dis, si ce n'est pas clair, alors peut-être l'auditeur non plus. Enfin, voilà. Ouais. Mais donc... You for climate, ça va? Climate. ça n'a pas pris quoi. Ils ont quoi? Il y a des traces de ça. J'ai pas spécialement besoin de les voir, hein, mais je veux dire que pour dire ah bah non, nous on fonctionne de notre côté et vous fonctionnez du vôtre. Ça s'est pas fait quoi. Ça s'est pas fait non, mais je pense qu'on a juste pas les mêmes objectifs et les mêmes perspectives politiques quoi. Eux ils sont complètement apolitiques, même enfin ils disent qu'ils sont apartisans, mais c'est bien plus que ça quoi. Ils veulent juste pas se positionner en fait sur la situation. Ils veulent pas dire si c'est le capitalisme le problème, ils veulent pas dire si le capitalisme vert c'est suffisant ou pas. Ils veulent juste en remettre aux experts qui d'après eux détiennent toutes les solutions miracles pour sauver la situation. Mais quoi, Pierrot, vous vous êtes rencontré, vous avez discuté? Non, ça s'est fait par comment? Par téléphone, par mail? Ben nous, on a blindé, essayé de les rencontrer, justement, de faire une réunion avec eux dès le début. Ben on s'est un peu retrouvé face à un mur. Je sais pas si c'était volontaire ou pas de leur part, mais en tout cas. Pas de réponse, tu veux dire? Ouais, pas de réponse, bien une réponse assez vague, pas très volontariste, quoi. Genre, on n'a pas su se rencontrer, on n'a pas su faire une discussion de fond où on disait, tiens, nous, on voudrait faire ça, est-ce qu'on pourrait le faire avec vous et tout? Non, on n'a pas réussi à le faire. Et donc nous on a continué de notre côté, sans avoir un impact énorme, hein, mais voilà, on apparaissait quand même dans les médias, on était interviewés, notre discours était quand même porté un peu partout. Mais là-dessus j'ai envie de faire une petite remarque, parce que ok les médias, les machins, mais comme je dis, pour politiser les choses, c'est faire des grands rassemblements, discuter, inviter des gens aussi, pour réveiller cette conscience... politique, de bagarre, de pouvoir mettre des mots sur cette économie, comment elle fonctionne, parce que passer dans les médias, c'est un peu... tu comprends ce que je veux dire, passer dans les médias? Oui, alors, enfin, est-ce que les choses se jouent uniquement dans les médias? Je veux dire, on met un micro, salut Pierrot, t'es qui, t'es quoi? Moi, j'ai l'impression qu'on regarde les choses un peu comme... Ça, pour moi, c'est superficiel, quoi, tu vois. Ouais. Mais de se dire, par exemple, on a voulu fonctionner avec You for Climate. Ça, c'est un bon point pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut être plus fort ensemble, mais aussi, du coup, politiser aussi les choses. Voilà. Est-ce que ça te parle comment, ça? Donc, tu vois la différence entre... Aujourd'hui, tu vois, il suffirait de passer dans les médias pour dire qu'on existe. Et en fait, tu es tout seul, il n'y a personne derrière toi. Moi, je pense pas que c'est une fin en soi de passer dans les médias, hein, pas du tout. Je pense que c'est un moyen parmi d'autres. Après, peut-être qu'on a trop utilisé ce moyen et pas assez d'autres moyens. Mais après, je pense que le fond du problème, c'est que le mouvement des grèves pour le climat, c'est beaucoup des jeunes qui viennent pas des catégories de la population qui sont exploitées, qui sont défavorisées, qui sont soumises à un système. C'est des catégories de la population qui profitent plus de systèmes qu'elles ne le subissent. Comment ça se fait, ça, en fait? Comment ça se fait qu'on retrouve... Moi, je ne me suis pas trop posé la question, mais toi qui es dedans, comment ça se fait qu'on retrouve cette tranche de la population à cet endroit-là? Très bonne question. Mais moi, ma théorie, c'est que le fait que ce soit pas un mouvement écologiste, en fait, c'est un mouvement pour le climat, c'est hyper différent pour moi, c'est que ça permet de porter un discours très consensuel qui dit... Bah tiens, le climat, c'est un problème, il faut le régler, et on peut le faire dans le cadre du système actuel. Et donc, ça bouscule pas l'ordre des choses de dire « il faut sauver le climat ». Par contre, dire « il faut sauver la planète », c'est déjà bien différent, parce que ça suppose une remise en question totale du système économique, de la société actuelle, parce que c'est plein de problèmes hyper interconnectés qui sont les conséquences d'une cause bien plus profonde que juste le climat. Parce que le climat, on peut juste se dire, bah, tiens, on va remplacer le pétrole par des éoliennes, des panneaux solaires et tout. Et c'est un peu ça, les croyances admises par la plupart des gens qui marchent pour le climat aujourd'hui et qui militent pour le climat. Alors que les écologistes de la première heure, des années 70 par exemple, bah, ils s'attaquaient directement aux centrales nucléaires, aux champs d'OGM et tout. Enfin, ils étaient sur le terrain. José Bové, qui est maintenant heureux député européen, bah, il allait couper des champs d'OGM. Maintenant, il est député. Ouais, hein. Ça, mais c'est le genre d'action qui était quand même menée par des écologistes, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on marche, quoi. On marche, c'est complètement inoffensif. Ça ne crée aucun rapport de force, en fait. Il faut peut-être passer par des étapes pour finir aussi. Il y a peut-être un rassemblement une première fois, puis après on passe à autre chose, puis après on évolue, quoi. Ouais, mais après, moi je pense pas que c'est les marches pour le climat qui vont réussir à se radicaliser. Je pense pas que ça va venir de là. Tu veux dire que ça viendra pas tout seul comme ça, quoi. Non, mais même je pense que le profil sociologique des participants à ces marches, ouais, ces mobilisations, n'est pas enclin à faire des actions beaucoup plus radicales de manière rapide, quoi. Je pense qu'il s'identifie beaucoup trop aux institutions actuelles, à l'État, aux entreprises et tout, que pour remettre ça en question profondément. Et c'est un peu la raison pour laquelle ils font tout le temps appel à l'État, au gouvernement, pour qu'ils agissent pour le climat, qu'ils accélèrent la transition écologique, machin, machin, machin, sans se dire, bah, tiens, est-ce que l'État ne fait pas partie du problème, en fait ? Est-ce que les entreprises ne font pas partie du problème ? Ils ne se posent pas ces questions, quoi. Devinette. Oui, c'est ça. J'écoutais la radio belge ce matin, alors que j'écoute jamais, en fait, tu vois. Et c'est dingue, il y avait des pubs. Je me dis, mais oui, on est vraiment dans cette ère du temps. Il y avait des pubs éco, mais pour consommer, évidemment, tu vois, greenwashing, quoi. Je me dis, mais c'est dingue, on est vraiment là-dedans quand même. Et donc, tout ce que tu racontes avec cette bande de jeunes qui vont pour le climat, c'est genre récupérer... J'ai l'impression, enfin, c'est plus facile de récupérer les choses pour dire, allez, maintenant, il faut changer, il faut sauver la planète, on va consommer autrement, on va faire toutes des installations. Ça marche fort et c'est souvent mis en première ligne quand j'entends des gens qui parlent écologie. C'est genre, on va rénover tout le secteur des bâtiments, tu vois, pour isoler. Alors ça, c'est un nouveau marché, tu vois, du tonnerre, quoi. C'est vraiment un gros créneau à prendre, quoi. Enfin, voilà, tout ça, moi, ça ne me parle pas. Et je me demande comment faire pour sortir de ça, pour entendre vraiment une vraie critique de ce système, quoi. Je trouve qu'on est vraiment dans le consensus. Il n'y a pas vraiment une voix forte qu'on entendrait. Je n'ai pas besoin d'un maître, hein, je n'ai pas besoin d'un suivre, mais je veux dire vraiment une vraie parole critique. Et j'ai envie de le souligner. Il y a Nicolas Cazot qui se trouve sur les réseaux sociaux. J'adore ce type, il n'habite pas tout près, sinon j'irai l'interviewer parce que sa vision est bien riche aussi, parce qu'il démonte bien la mécanique, quoi. Voilà. Je trouve que c'est ça qui manque, on a besoin de démonter cette mécanique, ou sinon on est trop dans... Ben c'est comme... On est vraiment victime du système et on ne sait plus comment on s'appelle, quoi. Mais oui, mais Nicolas Cazot, je vois très bien et je suis beaucoup, et c'est une des personnes qui m'a fait le plus avancer, en fait, intellectuellement et... au niveau militant ces derniers temps, parce que lui, ouais, voilà, il est écologiste radical, il le dit, il dit clairement les choses telles qu'elles sont, c'est la civilisation industrielle qui est le problème, qui est la source de nombreuses pollutions, des inégalités, du réchauffement climatique, de l'extractivisme, du productivisme, de l'exploitation des peuples, etc. Et ça, il le dit franco, il le démontre assez brillamment. Et en fait, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de dire, en fait, le climat, c'est un des problèmes parmi d'autres. C'est pas le problème principal, et c'est pas la cause à régler, quoi. Et en fait, c'est ça la dérive du mouvement climat actuel, qui était un mouvement écologiste. Avant, les gens se disaient écologiste, ils se disaient pas pro-climat ou je sais pas quoi. Enfin, maintenant, on se dit pro-climat parce qu'on considère que le réchauffement climatique, c'est le problème principal, c'est pas un problème parmi d'autres, quoi. C'est l'urgence absolue. Mais est-ce que ça ne sert pas le problème, comme on avait un petit peu catégorisé, donc c'est le problème de jeunes blancs de bonne famille, en fait, parce qu'en fait, le problème de l'industrie, des entreprises, du capital, dans certains pays, casse des cailloux, c'est la guerre, c'est la merde, quoi, tu vois. Et donc ici, comme on est dans les pays riches, c'est attention, le climat, on va mourir. Tu vois, est-ce que c'est pas aussi une préoccupation de blancs bien protégés, en fond ? C'est la peur de ça, genre. Et... enfin, tu vois, c'est la peur du climat. Mais... enfin, ouais, je... Bah ouais, en fait, on est dans l'anthropocentrisme constant, quoi. C'est toujours, tiens, les Occidentaux angoissent parce qu'il y aura plein de réfugiés qui vont arriver. Les Occidentaux angoissent parce que la mer va monter de tel mètre, je sais pas. Les Occidentaux angoissent parce qu'il y aura plus d'eau potable et tout. Mais ces réalités-là, qu'on angoisse maintenant, ici, dans notre région du monde, elles sont déjà une réalité pour plein de gens dans le monde, en fait, qui subissent déjà de plein fouet les conséquences d'un système économique à bout de souffle, qui est le capitalisme. Et qui est chez nous, en fait, qui fonctionne à du 2000 à l'heure et qui pollue, non ? Oui, mais c'est ça, en fait, c'est une vision hyper ethnocentrée et anthropocentrée. En fait, le capitalisme, ici, il est à son apogée, quoi. On a tout ici, enfin, on manque presque de rien. Exagéré, dégueuler, quoi. C'est trop. C'est trop. Non, mais vraiment, je trouve. C'est pour ça que quand on dit qu'on doit changer de système, il n'y a pas de problème. Je suis sûre qu'on vivrait... Enfin, tu vois, on se retrouverait les uns avec les autres, on se regarderait peut-être un peu plus dans les yeux, on aurait moins d'objets, des gadgets technologiques, enfin, je veux dire, ce qui ne servent à rien, au fond, qui ne servent pas à grand-chose. Donc, oui, moi, je trouve qu'il y a trop. Mais c'est clair, c'est ça, les inégalités, c'est que d'un pays à l'autre, on vit complètement différemment parce qu'on n'est pas soumis aux mêmes règles, on n'a pas les mêmes avantages, les mêmes privilèges et tout. Et ici, on est hyper privilégié, enfin, de manière globale, hein, y a toujours des classes sociales défavorisées et tout, mais je veux dire, ici, on a plein de supermarchés, on a la nourriture plus ou moins à bon marché. Les gens ici, de manière générale, ils sont quand même dans un confort relatif. Alors que par exemple au Chili, quand il y a des manifestations monstres là-bas c'est le laboratoire du néolibéralisme qui a été mis en place par le général Pinochet et qui a fait qu'il y a une poignée de personnes qui détiennent toute la richesse du pays et les autres qui morflent tous les jours, quoi. Et du coup aujourd'hui ils ont augmenté les taxes sur les tickets de métro, je pense que c'est ça. Ça a déclenché un incendie dans la population parce qu'ils ne peuvent plus supporter qu'on creuse toujours plus ces inégalités entre riches et pauvres, c'est plus possible. Et du coup, là, ils se battent avec leurs tripes, avec leur colère, avec leurs émotions et leurs... ils en ont marre, quoi, c'est tout. Et ici, on n'est pas dans cette immédiateté, dans cette nécessité permanente de se dire, tiens, demain, qu'est-ce que je vais manger, quoi. Là-bas, ils se posent ces questions. Ici, on ne se pose pas du tout ces questions. On est quand même hyper... Non, il y a des gens quand même qui se posent la question qu'est-ce qu'on va manger, puisque les gilets jaunes sont un exemple quand même que ça ne va pas. Mais c'est comme si c'était la première couche de population qui était visée. Après, ce sera celle au-dessus. Après, ce sera encore celle au-dessus. Enfin, tu vois, c'est par étapes, quoi. Le capitalisme, Moi, je crois qu'on est tous des victimes. Hein. Il ne faut pas être spécialement privilégié pour ne pas être une victime. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça veut dire que, oui, évidemment, quand tu es privilégié, ça te touche moins facilement puisque tu es privilégié. Tu vois, tu as des couches de protection. Mais à un moment donné, ça va aussi, je veux dire, la société pauvre, mais même psychologiquement, hein, je veux dire, pauvre, tu sais, regarde le monde comme il est. De notre côté, il est un peu triste quand même. Hein, voilà. Mais c'est clair. Oui, les gilets jaunes aujourd'hui ils montrent qu'ici aussi il y a des gros problèmes d'inégalité, mais aussi un problème de dépossession de notre pouvoir de vivre, de décider aussi collectivement de qu'est-ce qu'on veut comme société, quoi, merde. Et je pense que si le mouvement climat aujourd'hui il n'est pas enclin à se battre tel des gilets jaunes ou tel des indigènes qui défendent l'Amazonie ou tel des populations opprimées du Chili. Mais c'est parce qu'ils s'identifient beaucoup trop aux institutions, comme je disais tout à l'heure, aux médias, à l'État, aux entreprises, que pour se sentir touchés de plein fouet par les conséquences de ce système. Donc ils sont bien plus enclins à défendre ce système, je pense. Si on leur met pas sous le nez toute la merde que ça crée. Parce que maintenant, si on leur dit, bah, tiens, on regarde toute la merde que ça crée, toute l'exploitation et l'oppression que ça crée, et la domination que ça crée, les destructions environnementales que ça crée, je pense qu'à partir de là, ils doivent être honnêtes et se dire, bah, tiens, est-ce que je défends ce système, oui ou non? Et s'ils le font toujours, bah, c'est qu'il ne faut pas compter sur eux, alors. Par contre, je pense qu'il y a un travail de politisation quand même à faire dans ce mouvement climat pour essayer de faire changer d'avis ces gens qui manifestent, sans doute avec sincérité, et qui, si on leur montrait les causes vraiment profondes du désastre actuel, elles pourraient se repositionner de manière plus radicale en faveur d'une opposition plus claire à ce système, quoi. Bah en fait, moi, ce que ça me raconte, ce que tu dis, c'est pas seulement Génération Climat qui doit être conscientisée et politisée, tu vois. C'est la population en général aussi, tu vois, on peut l'appeler la masse ou des groupes de gens, c'est tout le monde en fait. On est tous lobotomisés un peu de comprendre comment marche la machine, non ? Tu trouves pas ? Si, si. Mais je pense que la dépolitisation, elle vient aussi du fait qu'on travaille H24 et 7 jours sur 7. On est exploité tous les jours. Enfin, je parle pas pour moi, mais de manière générale, le travail aujourd'hui, c'est je pars à 8h du matin, je rentre à 7h du soir, comme ça 5 jours sur 7. Et du coup, le week-end, on n'a pas envie de se politiser et de lire des livres, on a envie de se divertir et de se reposer, quoi. Mais c'est voulu, le système est voulu pour que tu sois un mouton qui réfléchisse pas, mais ça, c'est sûr et certain, quoi. Après, c'est comment réveiller, tu vois, la fougue chez les gens, chez les jeunes, chez les vieux, chez tout ce que tu veux. C'est ça la question, hein. on a pas la... comment réveiller cette énergie Mais donc, Génération Climat, hein, t'as laissé tomber maintenant ? J'ai pas laissé tomber, moi je me suis écarté un peu du noyau dur parce que, pour plein de raisons, mais j'abandonne pas, hein. Je pense qu'ils ont toujours leur utilité et qu'il faut continuer. Et je pense que ça commence... Mais continuer à quoi ? À politiser justement ce mouvement et à essayer de montrer qu'il y a d'autres actions possibles et d'autres lectures de la situation qui sont possibles. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, je voulais parler de Murray Bookchin. Donc, c'est un auteur états-unien anarchiste et écologiste qui disait en fait la révolution ne sera pas faite par les pauvres et les classes opprimées, mais par chaque citoyen qui comprend son environnement direct et qui est attaché. Et du coup, si on est attaché à notre territoire, à notre environnement, à notre environnement social aussi. On va avoir envie de défendre faire un système qui nous déconnecte de ce territoire, des populations autour de nous, de notre entourage, de nos voisins aussi. Je pense que personne ne connaît ses voisins aujourd'hui. C'est assez dramatique. Et en fait, c'est un système néolibéral qui a fait qu'on est complètement déconnecté les uns des autres, qu'on pense chacun pour sa gueule. Et en fait, il faut revenir à cet aspect-là, beaucoup plus social, beaucoup plus attaché à des choses essentielles, quoi, qui va faire qu'on va se réveiller et se dire, tiens, il faut se battre maintenant pour démanteler ce système qui nous divise, qui nous individualise, qui nous isole, à la fois notre environnement et des autres. Ça va être la base d'une possible révolution, même si je ne pense pas que ça va se faire rapidement, qui va permettre de remettre en cause les institutions actuelles qui font que les gens sont dépolitisés. Ça va remettre en cause aussi le travail en tant que structure capitaliste, qui fait que les gens sont dépolitisés, désarmés, dépossédés et isolés. Et ça va remettre en cause aussi le capitalisme qui ruine notre santé, qui nous exploite, qui fait qu'on est soumis aux règles économiques et au consumérisme, qui nous déshumanise complètement en fait. Ça, c'est sûr. C'est sûr, Pierrot. Mais tu crois que tu vois le futur comment, toi ? Toi qui as 19 ans, tu fais des études de quoi ? Moi, j'ai commencé des études de sociologie et anthropologie. Première année, alors ? Première année, ouais. Comment je vois le futur ? Mais oui, comment tu arrives à vivre dans tout ça ? Comment est-ce que tu te projettes ? T'as pas envie de voyager, par exemple ? T'as pas envie d'aller voir un petit peu ailleurs ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans le concret, quoi. Si, ça, j'ai envie. Mais... Non, mais t'es quand même aux études. Ouais. Tu pourrais laisser tomber tes études et y aller, hein. Enfin, je veux dire... Ça veut dire que t'es quand même pris... T'as un pied quand même dans la machine, quoi. C'est ça, en fait, dès qu'on commence à rejoindre et à participer aux institutions dominantes, comme les universités, après, dans les entreprises, sur le marché du travail, etc., on est pris dans une logique qui nous dépasse et qui fait qu'on est déjà... On est déjà soumis aux règles du système au niveau politique, au niveau économique, et qu'on est réduit à notre impuissance en fait. Donc je pense qu'il faut toujours garder du recul par rapport à notre participation à ces institutions et à cette société, si on veut un jour participer activement à son démantèlement. Parce que je pense que l'avenir, pour moi, enfin l'avenir que j'ai envie de voir, c'est un avenir où on se bat, et c'est un avenir où la planète est libérée de l'emprise de la civilisation industrielle qui détruit tous les territoires, qui extermine les espèces vivantes, qui exploite les peuples du sud pour maintenir un mode de vie complètement intenable dans nos pays riches. Moi, j'ai envie de voir la fin de ce système, en fait. J'en peux plus. Mais tu crois que c'est possible, ça, Enfin, en tout cas, ça va pas se passer en marchant dans la rue, je crois. Non, c'est, non, c'est clair que c'est inoffensif, ça. Mais de toute façon, si on lutte pas contre ce système, si on résiste pas, c'est-à-dire qu'on se rend complice, finalement, de l'aggravation de la situation. Donc moi, je pense qu'il faut militer, il faut lutter, il faut résister, il faut s'organiser collectivement pour démanteler le système. Après, ça, comment on peut en discuter, mais je pense que c'est l'urgence absolue si on veut sauver la planète et si on veut sauver notre avenir, quoi, tout simplement. C'est l'urgence absolue. Et puis, si on ne le fait pas, de toute façon, si on continue sur le business as usual, c'est-à-dire comme d'habitude, si le système continue comme ça dans sa course à la croissance effrénée, il va s'effondrer tôt ou tard. Après, il ne va pas s'effondrer comme ça lui-même, d'un coup, plic-ploc. Il faudra l'y aider, je pense. Parce que, à mon avis, notre société va essayer de puiser la dernière goutte de pétrole pour se maintenir jusqu'au bout, quoi. Mais quand tu dis nos sociétés, c'est plutôt nos dirigeants, ceux qui gèrent les robinets, ceux qui créent... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas toi et moi qui décidons à la table des négociations, quoi. Nous, on est tout au bout de la chaîne, quoi. C'est quand même les gros capitalistes. C'est quand même ça. Enfin, tu vois, c'est aussi intéressant des fois de mettre le doigt là. C'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est que oui, le jour où il y a moins d'énergie, d'abord ils vont se le prendre pour leur tronche à eux, pour faire fonctionner. Enfin, tu vois, après, c'est tout des questions. Oh là là. Oui, c'est clair. Mais c'est clair. Et le fait qu'on puisse rien décider, justement, mais c'est un des problèmes principaux, quoi. Aujourd'hui, la politique, c'est appartient à une petite clique de personnes qui seront élues tous les 6 ans et du coup qui pensent avoir la légitimité pour dire tout et n'importe quoi, faire tout et n'importe quoi, soi-disant en notre nom en fait. Parce que le principe des élections, c'est de dire en fait, le peuple délègue son pouvoir aux élus et aux dirigeants et du coup il n'a plus rien à dire pendant 6 ans, c'est les élus qui parlent au nom du peuple. Mais c'est n'importe quoi, enfin, depuis quand une poignée de personnes, 100 personnes par exemple, vont représenter des millions, quoi. C'est n'importe quoi, mais il y a plein de gens qui le croient. Hein. Ouais. Genre, attends, la phrase habituelle, c'est oui, on s'est battu pour pouvoir voter, en tout cas les femmes aussi là-dedans. Enfin, tu vois, c'est quand même tout. Moi, c'est une belle mécanique, quand même, il faut reconnaître, hein, pour montrer à quel point on te donne l'illusion que tu participes à tout ça. Enfin, c'est bien fait, quand même, non ? Allez, on a beaucoup critiqué, mais. Hein, non, mais c'est une déconne. Hein. Non, mais c'est clair, c'est un système assez vicieux, quoi. Genre. Oui, on nous fait croire qu'on est libre, le libéralisme, hein, c'est ça, hein, dire nous on est pour la liberté, liberté de choix, liberté individuelle, liberté de consommer et tout, mais c'est juste ça, c'est juste la liberté de consommer, d'élire des gens. C'est ouais, tout. Et de buter les gens à côté, si t'es trop petit, la compétition, la loi du plus fort, tu vois, oui, si t'es un tout petit, dégage, t'es pas dans la cour des grands, c'est quand même très violent, hein, c'est hyper hard le monde dans lequel on est quand même. Ça, aujourd'hui, pour être riche, pour être libre, il faut être riche, c'est un peu le principe, quoi. Mais du coup, c'est pas ça la liberté, pour moi la liberté, c'est de faire des choix conscients, éclairés, sur... ce qui concerne vraiment directement notre vie, profondément. Et ça implique, par exemple, de dire moi, je veux vivre avec ces gens-là, de cette manière-là, mais ça, on peut pas le faire aujourd'hui parce que ça appartient à une clique de personnes qu'on élit tous les 6 ans, tous les 5 ans. Et du coup, si on veut dire, par exemple, moi, je veux... si je veux prendre cette maison-là parce qu'elle est vide et y habiter, on peut pas parce que la loi dit non. Parce que la propriété privée, c'est sacré aujourd'hui. Ah oui, donc on peut pas y toucher, quoi. Je voulais parler de ça aussi. Ça s'est passé ici, à Louvain-la-Neuve. Hein. Il y avait un endroit comme ça. Et toi, tu faisais partie de cette bande qui ont squatté, c'est ça le terme ? Non, ouais. C'était... Ouais, c'est ça. Donc en fait, un exemple concret d'ailleurs, c'est qu'ici, début de l'année, avec un groupe de copains, on a décidé d'occuper une maison qui était inoccupée par l'UCL depuis 7 ans. Ils l'ont abandonnée littéralement. Et du coup, on s'est dit, on va le réinvestir pour en faire un centre social autogéré. Donc, j'expliquerai ce que c'est après. Mais en gros, on s'est dit, on va pas commencer à demander à l'UCL l'autorisation pour rentrer dans la maison, puisque de toute façon, ils n'en font rien. Donc, pour nous, c'est bien plus légitime de rentrer directement dedans et d'en faire quelque chose, de la faire revivre. Et d'ailleurs, quand on a commencé à faire ça, les citoyens, les riverains qui habitaient autour et les passants, ils venaient nous dire bonjour, nous dire que c'était génial ce qu'on faisait parce qu'ils en avaient marre de voir une maison inoccupée. Avec des tags, c'était un peu mort, c'était morose comme ça. Et du coup, tout le monde est hyper content de voir qu'il y a de la vie qui revenait un peu dans cet endroit. avec un projet hyper intéressant d'ailleurs, hein, parce que nous, on voulait développer des activités libres, gratuites, à prix libre, accessibles à tous, à caractère social, culturel ou politique, comme des ateliers de lecture, des projections débats, des cours d'autodéfense numérique, plein de trucs comme ça où les gens viennent, ils proposent une activité, on la met à l'agenda, puis on vient, on fait l'activité, en fait on paye rien, on boit juste une bière entre nous, ça crée des liens, ça crée de la solidarité, et puis à terme on a vraiment voulu faire de ce lieu un centre social autogéré, c'est-à-dire un endroit où on peut se retrouver, peu importe d'où on vient, peu importe notre catégorie sociale, peu importe où on habite, pour rencontrer des gens, pour débattre, pour discuter, pour demander de l'aide aussi. Et ça fonctionnerait pas par l'argent, mais par la solidarité, quoi. Et après 2-3 semaines d'occupation, bah, on s'est fait jarter par la police. Parce que c'est un lieu qui appartient à l'UCL, quoi. C'est sacré aujourd'hui. Si je suis propriétaire d'une maison, mais c'est à moi, quoi. On ne peut pas y toucher. Même si j'en fais rien, c'est à moi, quoi. C'est ça la logique aujourd'hui. Et c'est scandaleux pour nous, c'est indécent, alors qu'il y a plein de gens qui vivent à la rue, à l'heure où on est tous hyper isolés, où on n'a plus la main sur notre avenir, nous on se sent légitime pour dire, tiens, cet endroit on veut l'investir avec un projet concret, mais c'est pas possible aujourd'hui en fait dans la situation actuelle. En tout cas le propriétaire n'a pas voulu que ça se passe comme vous vouliez, quoi. Ouais, et du coup après on a été invité à des négociations avec l'UCL, qui n'ont pas donné grand-chose jusqu'ici. Et on n'a pas beaucoup d'espoir là-dedans, parce qu'à mon avis, l'UCL veut garder la main sur cette maison, et on n'aura pas la maison pour développer notre projet, parce que voilà, ça appartient à l'UCL, et il n'y a pas de raison qu'ils nous la donnent pour eux. Alors qu'ils ne sont pas dans le besoin, l'UCL, hein, c'est une institution qui fait des millions de chiffres d'affaires tous les ans. Donc voilà. Quoi, vous étiez une petite bande là-dedans qui mettiez ça en place? Ouais, on était une dizaine, une vingtaine... Ça dépendait des jours. En fait, les gens ouvraient la porte, ils rentraient, ils partaient. C'était vraiment... chacun se sentait chez soi, quoi. Ouais. Et quoi? Et du coup, les flics vous ont viré? Ça a été violent? Comment ça s'est passé? Ou ça a été bon enfant? Et puis voilà. Ou bien non, c'est un peu trash? C'est jamais bon enfant quand les flics interviennent. Nous, on occupait. Et la bourgmestre et la chef de la police sont venus négocier avec nous, avec une représentante de l'UCL aussi, pendant 1h30 le matin, pour nous dire vous avez le choix de partir ou bien de vous faire évacuer par la force. Et nous, on a dit, on veut bien partir si on a les garanties qu'il y aura des négociations sur le fond de notre projet et sur ce lieu, quoi. Parce que nous, on veut garder ce lieu pour faire notre projet de centre social autogéré. Ça n'a pas été possible et du coup, on s'est fait expulser par la force. Et donc, il y a une trentaine de Robocop qui sont venus de Bruxelles. Ouais, avec des casques, avec des matraques, avec des boucliers, enfin n'importe quoi. On était 10 dans la maison, quoi. On était complètement inoffensifs, on n'a pas résisté. Bon, il y a quelques communs qui sont mis devant la porte pour empêcher l'entrée des flics, mais c'était pacifique, quoi. On n'a pas résisté de manière hyper, hyper forte, parce que de toute façon, face à des flics comme ça, on ne savait rien faire. Et donc, ils nous ont évacués, certains ont été étranglés, certains étaient pris par la tête, tirés par la tête, enfin, c'était hyper... c'était n'importe quoi, c'était disproportionné, quoi. Du coup, on a passé 3 heures en garde à vue. Et puis, les flics nous gueulaient dessus et tout, mais ça, c'est la logique de la répression, quoi. C'est essayer de faire peur aux gens qui veulent changer les choses pour qu'ils recommencent pas, pour qu'ils rentrent dans le rang. Mais oui, mais oui. Et du coup, c'est une logique d'humiliation, de peur, de terreur qu'on essaie de faire régner pour empêcher les gens de se mobiliser et de s'organiser pour changer les choses. Mais on n'a pas abandonné, on n'a pas peur de ça, nous, parce qu'on est conscient de ce que ça signifie. Et on veut toujours créer un lieu comme ça. Donc voilà. Mais t'as entendu tout ce qui se passe en France, hein, durant les gilets jaunes, les yeux pétés, 23... Enfin, c'est quand même énorme, non? Ouais. Vas manifester. Moi, j'ai entendu des témoignages, j'ai vraiment suivi ça de près. Il y a une femme comme ça qui allait manifester. C'était la première fois qu'elle allait manifester. Les flics lui ont sauté dessus, elle faisait rien. Et ils l'ont emmenée au poste, elle a dû passer la nuit. Et le lendemain, horrible. Et puis on lui pose la question, Tirard, remanifester? Ah non, plus jamais. Tu vois, dégoûté. Mais c'est conçu pour. Hein. Dès que tu te frottes au fait que ça ne va pas se passer comme ils croient, eh bien, c'est la confrontation, quoi. Et ça, je trouve que dans le discours politique, enfin, tu vois, dans le discours social ou climatique, On n'entend pas parler de ça, quoi. Tu vois, cette confrontation, elle va avoir lieu si on n'est pas d'accord. Ça, c'est sûr, quoi. Tu vois, et on parle très peu de ça. Je sais pas comment ça te parle. Mais oui, mais par exemple, moi, le mouvement des Gilets jaunes, je me sens beaucoup plus proche de ce mouvement-là que du mouvement pour le climat actuel, quoi. Parce que c'est un mouvement sincère, spontané, où les gens se disent, mais tiens, on en a tous marre, on se bat pour une cause commune qui est la reprise en main de notre pouvoir d'agir, finalement. Et il y a une conflictualité réelle dans ce mouvement, parce qu'il vise directement l'État, Macron, il vise la domination du système capitaliste aussi sur leur vie. Et du coup, ce mouvement, il est bien plus offensif et il fait peur au pouvoir. D'ailleurs, il y a une enquête qui a montré qu'en décembre, je ne sais plus à quelle manifestation. Macron avec son hélico. Ils ont vraiment eu peur, quoi. Ils ont flippé, ils se sont chiés dessus. Ouais, c'est génial. Mais en même temps, du coup, la répression s'est intensifiée beaucoup plus fortement. En fait, nous aussi, on devrait avoir des armes. C'est ça que je ne comprends pas, tu vois. Comment on s'est fait berner dans l'histoire pour se retrouver en face de gens qui sont armés. Et nous, les manifestants, là, on n'est pas armés. Enfin, tu vois, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour en arriver là, quoi ? Il n'y a pas d'armes, quoi. Et si t'en as une, gare à toi. Non ? Ouais. Mais on arrive à la fin, Pierrot. Et qu'est-ce que tu verrais à dire sur tout ça, sur ta génération, là, de... Ici, on est à Louvain-la-Neuve. C'est marrant parce que j'étais arrivée un petit peu à l'avance. Il n'y a rien que des magasins, des restaurants, des snacks. Du béton et plein de manières de vendre des choses, quoi, quand même, à Louvain-la-Neuve. Hein. C'est quand même ça, non ? Ouais. Après, il y a l'école, peut-être, l'UNIF, c'est ça aussi ? Ouais. On dit souvent que Louvain-la-Neuve, c'est une ville écolo, machin, mais c'est quand même une ville... tout béton, quoi. Il y a pas d'arbres ici, enfin presque pas. C'est vrai, on dit que c'est une ville d'écolo. C'est dirigé par le parti écolo en tout cas depuis 30 ans, je crois. Et ouais, en fait, à la base, il y avait des utopies quand même qui vivaient ici et d'autogestion et tout. Et là, c'est juste une ville marchande, un peu comme les autres, avec l'esplanade qui s'étend toujours plus en plus, un complexe hôtelier de luxe qui vient de s'implanter là. Enfin, ça devient une ville hyper commerçante, hyper en bourgeoisie, quoi. Je sais qu'il y a eu un petit combat, mais je ne sais pas s'il était puissant, contre l'esplanade, là. Ouais. Ouais, il y a une consultation populaire qui a eu lieu. Après, je n'ai pas bien suivi l'affaire. Mm-hmm. Mais en fait, les gens étaient à 70%, je pense, contre l'esplanade, enfin contre l'extension de l'esplanade. Mm-hmm. Donc, ça montre quand même que les gens, ils sont conscients qu'on ne peut pas... On peut pas courir en avant comme ça éternellement. À un moment, il faut s'arrêter, il faut se dire, il faut se poser des questions. Est-ce que l'esplanade, c'est quelque chose qui est encore nécessaire ? Est-ce qu'il faut vraiment l'étendre toujours de plus en plus ou pas ? Parce qu'en fait, il y a déjà plein de gens qui viennent tout le temps à Louvain-la-Neuve, mais juste pour faire leurs courses à l'esplanade, quoi. Donc c'est... Mais quoi, 70%, t'as pas suivi cette près ? Mais 70%, ouais, c'est pas mal. Mais après quoi, les gens, ils ont fait quoi, comment, pour empêcher ça ? Ça s'est fait quand même, en fait. L'esplanade est quand même... Et quand même là, il a quand même été agrandi, c'est ça ? Oui. Il n'y a pas eu de combat, quoi. Je pourrais pas m'avancer parce que je sais plus du tout si c'est en cours ou pas ou si c'est suspendu. D'accord. Mais ouais, non, il n'y a pas eu de confrontation directe. Mais moi, je pense que c'est ça qu'il faut aujourd'hui, justement. C'est de la confrontation directe. Il faut interposer nos corps entre ce qu'on veut défendre et entre cette machine qui détruit tout, quoi. Et ça passe par aller sur les ZAD, empêcher les aéroports de se construire à Notre-Dame-des-Landes. Ça passe par aller à Arlon ce week-end pour empêcher le projet de Sablière qui veut s'implanter dans une zone hyper riche en biodiversité. Voilà, maintenant, il faut aller sur le terrain, il faut dire stop, mais de manière directe, quoi. Il faut se confronter au bulldozer. Mais quoi, t'es prêt à mourir, toi, Pierrot, pour changer la donne ? Je sais pas. Mais peut-être. T'es prêt à perdre un œil ? Ça, je pense que personne n'est prêt à perdre un œil. C'est une conséquence qu'il faut prendre en compte. Non, mais je veux dire, par exemple, il y a Jérôme Rodriguez, ouais. Une espèce de figure comme ça des Gilets jaunes en France. On lui a pété l'œil, mais il est toujours là. Hein. Ouais. Tu vois, il a pas renoncé, quoi. Il est d'autant plus présent, du coup, maintenant aussi, quoi. Ouais, mais j'ai vu un film là-dessus où on donnait la parole à plein de blessés des Gilets jaunes et ils disaient en fait ça me renforce dans ma conviction qu'il faut changer le système, et en fait c'est le radicalisme plus qu'autre chose de les blesser comme ça, quoi. Parce que ça alimente la haine en fait envers ce système. Et donc ça les décourage pas. Et c'est un peu l'erreur du gouvernement et des gouvernements, c'est de croire que par la répression on va décourager les gens. Mais si, ça décourage une certaine partie des gens, ouais, et d'autres ça alimente le feu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est ça. Et en fait les gens sont tellement à bout que je pense qu'ils vont pas lâcher comme ça parce qu'il y a eu des blessés. Les blessés vont continuer à marcher, comme tu disais, et à manifester. Et après, ça peut s'épuiser aussi, tu vois, c'est ça qui est... Mais, allez, dernière petite phrase, après on arrête. Ouais. Toi, sur ta génération de jeunes, comme ça, et peut-être même aussi à Louvain-la-Neuve, ou tes collègues d'école, enfin de l'UNIF, comment qu'est-ce que tu auras envie de dire là-dessus, sur cette génération qu'est la tienne, en fait? Ben, si j'avais un conseil à leur donner, c'est de profiter qu'ils sont jeunes, qu'ils ne sont pas encore pris dans cet engrenage, pour se poser les bonnes questions, pour se demander s'ils ont besoin d'une voiture, pour se demander s'ils sont obligés de travailler, comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire travailler pour une boîte, pour faire du chiffre. Si ce qui importe vraiment pour eux, ce n'est pas plutôt de se battre pour leur avenir, à eux, mais aussi pour l'avenir de la planète et de ses habitants, humains comme non-humains, de manière générale, quoi. Parce qu'on est la dernière génération à pouvoir agir. Enfin, c'est un slogan qu'on dit tout le temps, mais quelque part, c'est assez vrai. Enfin, on a besoin de lutter aujourd'hui. Enfin, lutter, c'est ça qui va nous faire vivre. Parce que si on lutte pas, ben, on va tous crever d'ici quelques années, quoi. Ouais, de toute façon, on va tous crever. Hein. Ouais, de toute façon, on va tous crever. C'est une donne dès le départ, non? Ouais, on va tous crever. Mais là, il y a déjà 200 espèces qui crèvent tous les jours. Il y a déjà des gens qui se font matraquer la gueule tous les jours, il y a déjà des gens qui perdent des yeux tous les jours dans les manifestations, il y a des gens qui ne savent plus vivre, qui se suicident, des agriculteurs qui se suicident tous les jours en France, en Belgique aussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est changer de système. Ça, j'adorerais voir le truc, tu vois, qui s'écroule de lui-même, quoi, ce système capitaliste, ces horreurs, toutes ces conflits géostratégiques, c'est quand même énorme quand tu es un peu au courant de ce qui se passe. T'imagines qu'un Trump, il se fait la guerre toujours, tu sais, pour avoir le plus de territoire, comme un jeu de stratégo, quoi. Bah, il en est là dans sa tête, quoi. Bah, c'est fou quand même. Comme les autres, hein. Que ce soit Trump ou Macron, c'est un peu le même. Enfin, les États aujourd'hui, leur but, c'est... Parce que je dis Trump parce que c'est un peu les rois du business, quoi. Ouais, avec la Chine maintenant. Ouais. Bien que ce serait peut-être la Chine maintenant. Ouais. Un duel, quoi. Mmh. Mais on en est là dans notre monde, dans notre civilisation. On joue à qui est la plus grosse, quoi. Ouais, et les humains qui pâtissent ou qui vivent des guerres, etc., ils n'en ont rien à faire. C'est quand même ça qui est dingue. Hein. Mmh. Bah oui, parce qu'on est dépolitisé, on est. Comment dire, on est lobotomisé, on est réduit à juste un statut de consommateur-électeur qu'on appelle citoyen. Et donc on pense qu'on peut changer les choses, on pense que le système est bien parce qu'on en profite, on pense que bah, les choses peuvent s'améliorer d'elles-mêmes sans qu'on ait trop à se bouger le pet. C'est bien, t'es poli, toi. et en fait, non. Enfin, à un moment, il va falloir se lever et dire stop, quoi. Mm. Donc moi, je dis qu'il faut dire stop, voilà. Merci, Pierrot. Merci, à toi.